بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: ما حكم قول المسلم للمسلم جمعة أو جمعة مباركة في كل جمعة برسائل الجوال أو في المنتديات؟ Ils ont posé la question à Cheikh Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, est-ce que c'est permis de souhaiter une bonne Jumu'ah, Jumu'ah Mubaraka, chaque vendredi, que ce soit directement, que ce soit par l'intermédiaire de messages dans les téléphones? Et là, ça arrive. Souvent, le vendredi, tu reçois ce genre de message. Jumu'ah Mubaraka. Une bonne Jumu'ah. Comme on se félicite pour l'Eid, Ba'dhum, ils le font pour Al-Jumu'ah. Enfin, est-ce que c'est permis? قال حفظه الله تعالى هذا لا أصل له وهو بدعة. يا أكن سورس de هذا الفعل. Pourquoi? لأن notre دين s'est fondé sur des textes. قال عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Donc si on n'a pas de dalil من القرآن ومن السنة, on n'a pas le droit d'inventer des choses. Est-ce que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il disait aux compagnons, radiyallahu anhum, ou les compagnons entre eux, ils se disaient Jum'a Mubaraka? Kadhalik, les générations après As-Sahaba, As-Salaf As-Salih, ils n'ont jamais fait ça. La shak anna Al-Jum'a a une très grande valeur fi qulub al-mu'minin, lakin Al-Jum'a, si tu veux faire des efforts yawm Al-Jum'a, fa bien sûr, tu fais Salat al-Fajr à l'heure, au masjid pour les hommes, thumma t'essayes d'aller tôt au masjid. Thomas, tu appliques les sunan, tu appliques les sunan qui sont liés à ce jour du vendredi, tu fais le rousl. Kadalik, t'en profites le vendredi, tu n'oublies pas l'heure, il y a une heure où Allah subhanahu wa ta'ala, il exauce cette dua. Et as-sahih, min aqwal ahli al-ilm, c'est que cette heure, c'est avant le maghrib, après l'asr. On ne doit pas négliger ça, faire des efforts, faire beaucoup as-salat sur le prophète alayhi salatu wassalam le vendredi et d'autres choses. أما دير جمعة مباركة يا أوكا أصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فسوري أنبياء النبي صلى الله عليه وسلم إلى غد جمعة مباركة. قال ولا يجوز التهنئة بيوم الجمعة. التهنئة c'est se féliciter comme pour العيد. العيد جاء عن بعض السلف وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم ils appliquaient هذا. Ils se félicitaient يوم العيد. Pourquoi? Parce que c'est العيد. أما الجمعة on n'a pas de dalil ala hada. قال هذا لم يرد فيه شيء وليس من عمل السلف. Donc on essaye de prendre cette habitude. Et en fait, c'est un manhaj, c'est une voie à suivre. C'est notre din, on doit le comprendre avec le Coran, wa sunna et la compréhension des salaf. Si tu n'as pas de dalil, la min al-kitab wa la min as-sunna, et tu n'as pas fi'l as-salaf, écarte-toi et ne perds pas ton temps. قال فهو مبتدع والمبتدع يستغلون الآن الجوالات والإنترنت على ما يذكرون ويستعملونها للترويج البدع بهذه الطريقة. Et ça c'est une remarque importante. أن أهل البدع والشر, ils en profitent pour propager l'innovation avec ces nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux, les messages. Et là c'est très rapide. Hein. C'est pour ça que le vendredi, أحيانا tu reçois plusieurs messages Jumu'ah Mubarakah. Et bien sûr, ceux qui envoient ces messages, on doit avoir un bon comportement ma'ahoum, leur montrer, leur expliquer de la meilleure manière. L'un à celui qui t'envoie ce message, mina al-muslimin, en général, il a une bonne intention. Lakin, peut-être que ahlul bid'ah, ils en profitent et ils envoient un tel, hatta ça se propage. On fait attention. Nastafid kadalik min hadana, fais attention, akhil karim, les messages que tu reçois. C'est pas tous les messages que tu reçois qui sont basés sur la vérité. On parle des messages qui sont liés à la religion. Imma un hadith, imma la parole d'un savant. Fais attention, certaines choses c'est du mensonge. Mardonnais, il propage des savants, des paroles de savants et c'est un mensonge. Le savant il n'a pas dit had. Mardonnais, il propage des hadiths et c'est un mensonge. C'est des hadiths mawdou'a. On ne parle même pas de hadiths faibles. C'est des hadiths inventés. Enfin, on fait attention. Et comment faire? Donne du temps pour apprendre ton din. Hatta tu pourras différencier entre as-sahih wa al-da'if, entre les paroles que tu peux accepter, les paroles que tu ne peux pas accepter. Kadhalik. On doit apprendre les fondements. Et parmi les fondements, c'est que si une adoration, que ce soit une parole, un acte ou une croyance, on n'a pas de dalil dans le Coran, dans le Sunna, et les salafis, ils n'ont pas appliqué cette chose, écarte-toi, ça ne fait pas partie de notre din. لماذا لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. le dîn, il a été complété à l'époque du prophète Aïssa. Vu que maintenant, à l'époque du prophète, il ne disait pas Jumu'a Mubaraka, ça ne fait pas partie de notre dîn. Il ne peut pas avoir une chose qu'un Nabi il n'a pas accomplie, ou ses compagnons, à cette époque, l'époque de la révélation, et qui est venu après, qui fait partie de notre dîn. Donc on doit faire attention et préserver notre dîn et s'accrocher au texte. Et celui qui nous dit Jumu'a Mubaraka, ben, on lui répond de la meilleure manière en lui montrant que ce n'est pas légiféré. Et on essaye de propager l'ilm. Vous avez remarqué que Ahlul Bid'a wa Dalal, ils font beaucoup d'efforts pour propager Ash-Shar. Ça touche les musulmans. C'est pour ça que les musulmans, ils croient beaucoup d'eux. Ils pensent que ça fait partie de notre dîn. Enfin, nous, fil muqabil, quand on voit al-batil, il se propage beaucoup, on doit faire beaucoup d'efforts pour propager al-haq. Waffaq Allahu al-jami' wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-afiyah. Amma la référence, la base, c'est un audio dans le site officiel de Cheikh al-Fawzan, hafidhahu Allahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.